Bonjour. Il y a beaucoup de monde là qui se casse la tête. J'ai pas à faire de reproches. Vous avez vu, on se sert comme prétexte de l'ouragan Harvey, puis les prix de l'essence bondissent au Québec, et en même temps, comme d'habitude, ça donne en même temps que les vacances de la construction, et puis là, les gens dans les médias vous expliquent que bien évidemment, ça ne peut pas tout expliquer au sens où comment ça a bondi, que c'est certainement un prétexte, mais on vous expliquera jamais en détail en quoi c'est évident que c'est un prétexte. Pourquoi? Parce que ça fait partie du travail des médias. Plus de 90% des institutions, des gens qui se disent à votre service, ne le sont pas à votre service. Ça fait partie de l'illusion. Et ça commence dès l'enfance, à l'école, l'amitié, la solidarité. Puis ça, tout ça, c'est du conditionnement pour que l'individu serve au sens d'un serviteur. Une systémique qui, au fond, n'est pas très sophistiquée, c'est de l'esprit de meute. C'est-à-dire que l'être humain est encore un animal social et que ça, c'est hiérarchisé. Et on va mettre en condition ce qui est dans le bas de la hiérarchie pour qu'il y demeure et puis qu'il accepte sa condition du fait qu'il ne voit pas au-delà. Et puis, un des pires pièges, c'est que dès que vous commencez à le voir, là, vous allez être en colère et vous allez vous insurger. Et ça fait partie encore d'une façon de vous faire remarquer par cette systémique sociale-là. Et puis, en plus, encore là, vous vous faites avoir parce que ça draine de l'énergie de vous choquer absolument pour rien, que ça n'est pas. En tant qu'ego, en tant qu'individualité, vous ne pouvez pas changer rien. Et puis, ça va juste faire que vous allez être une des poules du poulailler, que la tête dépasse et vous allez être repéré. Il faut être plus subtil que ça. Et puis, c'est une question aussi de tirer son épingle du jeu parce que c'est comme ça. Et je ne dis pas ça au sens d'accepter que c'est comme ça, que c'est correct que c'est comme ça, mais au sens d'être créatif. Et de quand même rester centré, de continuer à vous densifier en tant qu'individualité. Quand je dis que la solidarité, ces choses-là, ce sont des illusions, c'est pas au sens où que je dis que c'est de la merde, c'est au sens où de la façon dont c'est inculqué et transmis au niveau d'un conditionnement institutionnel entre autres et puis familial, que ça c'est de l'illusion. Parce que la solidarité sera réelle lorsqu'elle sera une addition d'individualité réelle. Et puis quand je dis que ça donne rien de vous insurger, de vous mettre en colère quand ce n'est pas le temps pour des choses qui nous dépassent en tant qu'individu, au sens où ce n'est pas pratique, ça devient un drainage d'énergie, c'est au sens où il y a une profonde différence entre l'émotivité et la sensibilité. Si vous venez à bout de ne plus subir votre émotivité et d'avoir une gestion ergonomique de ça, vous n'allez pas perdre votre sensibilité. Au contraire, vous allez voir de plus en plus clairement. Et c'est là qu'il va falloir avoir la capacité de voir sans être réactif et d'accepter ce que vous voyez sans vous identifier à ça, tout simplement pour ne pas vous faire avoir et être embarqué dans des mouvements qui vont vous drainer de l'énergie. Pourquoi? Parce que l'être humain, en tant qu'animal social, sa grégarité, est en relation vampirique avec les forces du collectif. C'est pour ça qu'il y a un conditionnement au sens de faire de vous un serviteur d'une dynamique qui vous dessert. Ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui sont très subtiles. Vous devez commencer par être votre meilleur ami. penser à vous, et même là, ne pas vous identifier à vos pensées, mais être votre priorité. Et une fois que ça s'est intégré là, il y a une possibilité d'entrer en relation avec des êtres comme vous qui ont atteint ce niveau-là d'intégration, et là, ça devient de l'amitié, de la solidarité réelle. Tout simplement. Puis, l'affaire là du sentiment de solitude, et puis c'est encore là de se faire avoir ça. Vaut mieux si vous êtes seul, mais que au sens d'un cloisonnement, parce que vous voyez des choses et qu'il est difficile de. L'être humain encore, ça fait partie de sa sociabilité d'animal social. Il veut échanger, puis bon. Mais à ce niveau-là, là, ça devient quelque chose que. Si ça devient un cloisonnement, que vous le réfléchissez, que ça devient un sentiment de solitude, il n'y a rien à gagner là-dedans. Mais c'est peut-être une étape nécessaire. Quand vous serez fatigué de ça, malgré que j'ai l'impression que, on dirait qu'il y en a qui aiment ça. Si vous leur enlevez leur souffrance, ils vont être pris au dépourvu comme s'ils n'avaient plus rien. C'est leur identité. Ce n'est pas une identité qui est réelle, mais il peut arriver que les circonstances vont vous forcer à le voir pour vous forcer à développer quelque chose de plus dense, de plus réel. Puis là, ça peut paraître. C'est pas important ce que ça veut paraître, là. Ce qui est dit, est dit. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est dit. Puis c'est par rapport d'aller à pas nécessairement ce qui est dit au niveau formel, mais à ce qui est au-delà de ce que je dis. Merci, bonne journée.